Bon, ça va, votre semaine s'est bien passée? Moi, ma semaine s'est très bien passée. Enfin, j'ai quand même passé la semaine à chercher le cadeau parfait pour toi, Thibaut, et je t'ai acheté un aquarium. Alors, comment ça se passe avec cet aquarium? Oui, effectivement, cette semaine, Léa m'a offert un aquarium. Hein. Je me suis dit, c'est cool, hein, ça sera moins galère qu'un chat. Bah, que dalle, hein. Par contre, Léa m'a offert un aquarium vide. Ah, merci, Léa. Désolé. Du coup, je suis allé en boutique. Hein, le mec vend des poissons, hein, mais il a vu arriver le pigeon. Alors, wow. je voulais mettre des pierres au fond de l'aquarium hein, pour décorer, ça se fait. Hein. Du coup, je me suis dit, je vais aller en chercher au bord de la Loire. Le mec m'a dit, non, on prend plutôt ce paquet de pierres, tu verras, c'est mieux, c'est traité pour les aquariums, blablabla, blablabla. Bla, bla. Le mec m'a joué du violon pendant 10 minutes, je suis tombé sur l'André Rieu du poisson. Du coup, j'ai acheté ces pierres hein, et j'ai également acheté une déco. Ouais, un petit château, vous connaissez ces petits châteaux? Ah, c'est très joli. Mettre sous l'eau, ouais. 24 balles le bon truc. Hein, en plus, qu'est-ce qu'il en a à foutre le poisson, sans déconner? Tu crois qu'il passe en faisant ça, tu vois? C'est un château du 12e siècle, construit par Poisson Rouge Ier lors de l'acquisition. Wow. Alors, l'acquisition, c'est comme l'acquisition, mais dans un aquarium. Voilà. Et puis, j'ai acheté Un poisson. Ah, merci. C'est bien. Vous suivez. Il y a deux qui suivent. Bon, il était tout seul, il a déprimé, il est mort. Je suis retourné en boutique, j'ai acheté deux poissons, ils se sont entretués. Bon, bah, je suis retourné en boutique. Prends pas des piranhas. Hein. Cette fois-ci, j'ai acheté 4 poissons. Je me suis dit, ils vont faire 2 groupes de 2 pour se défendre. Ah bah, ils ont bien fait 2 groupes de 2. Hein. Ils ont bien fait 2 groupes, sauf qu'ils se sont fait un groupe de 3 et un groupe de 1, c'est con. Et le groupe de 3 a bouffé celui qui était tout seul. Puis les 3 qui restaient se sont entretués. Une sale affaire. Hein. Je me suis vraiment dit que j'étais pas fait pour vivre avec des poissons. En gros, je suis une tanche. Oh. Et j'ai appris qu'il y avait de moins en moins de poissons dans les océans, hein, à ce rythme avec moi c'est sûr. Hein. En même temps, il y a moins de poissons dans les océans, d'accord, mais ça fait plus de place pour ceux qui restent. Et lorsque t'as un aquarium, il faut également une machine qui le nettoie, hein, sur laquelle il faut changer le filtre. Hein. T'as aussi des petites raclettes à aquarium, hein, bref, encore des dépenses et des galères en plus. Et un copain m'a dit, pourquoi tu n'achètes pas ces poissons qui nettoient les aquariums? On appelle ça des poissons nettoyeurs. Alors j'en ai acheté 2. Sans déconner, depuis le début de cette chronique, hein, j'ai dû craquer 200€ pour cet aquarium. J'allais dire, on est si bien payé, je sais. C'est ça. Enfin, toi. Hein, toi. Au physique, je pense. Y a toi, ouais. Alors, ces poissons ne se battent pas. Non, non, ils font que bouffer et boire. Une sorte de poisson de Pardieu. Sauf que eux boivent de l'eau. Hein. Et effectivement, l'aquarium est nickel. Mais il est nickel genre 24 heures. Parce que ce qu'ils bouffent, à un moment donné, oh. On va pas se mentir, ils le chient. Voilà, ça c'est dit. Et ton aquarium redevient écologique. C'est écologique. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Qui se mord la queue. Petite expression de 1993 qu'il était bon de rappeler. Tout ça pour vous dire. Prenez un chat. Un chat, pas un poisson, chat. Ouais, ouais. Bravo.